défendait. Ouais, je pense que je vais avoir l'air d'un gars qui se lire un peu. Je pense que ta fouille-là va savoir. Par contre, oui, effectivement. Par contre, Daniel, il y a une chose que je ne pourrais pas te présenter une à une. Tu n'auras pas de vibrations, peut-être. Ben oui, c'est ça. C'est... je constatais en même temps le problème. Si Mario pourrait nous les apporter, justement, là, je pourrais te les donner au fur et à mesure que... Oui, merci. OK, ben, je vais commencer par ceci. Si la négoïsation est l'action de se négoïser, la négoïsité est l'état de celui qui sait à négoïser. Tu parles de la négoïsation, mais pas de la négoïsité. Excuse-moi. Quel est cet état, peut-on en parler? Être anégoïque, c'est plus avoir d'ego, donc c'est le même phénomène. Ici, c'est une question de jeu de mots, c'est intéressant, ça fait aux intellectuels. Mais on parle, chaque fois qu'on parle de l'état de l'homme nouveau, chaque fois qu'on parle de l'état de la femme nouvelle, chaque fois qu'on parle d'une personne anégoïque, d'une personne qui a terminé sa fusion, d'une personne qui a contact avec un ajusteur de pensée soudé, d'une personne qui est... Toutes les fois qu'on parle d'individu autre que l'animal humain, bien, on parle d'une personne qui, donc, qui est justement anégoïque. On en parle régulièrement. Eh bien, merci un mot. Ah oui. L'esprit est aussi différent de l'âme que l'âme du corps. Ils ne sont pas de même nature. Où trouvent-ils alors leur correspondance pour communiquer? Tu vas répondre que ce sont la même chose, mais des niveaux vibratoires différents. Bien, c'est ça que c'est. Pourquoi des niveaux différents donnent-ils l'apparence d'une nature différente? Pourquoi des niveaux différents donnent-ils l'apparence d'une nature différente? C'est exactement comme j'expliquais l'autre fois. Moi, j'aime autant recevoir un verre d'eau en plein visage qu'un verre de glace. C'est la même chose. Leur expression est différente, la nature est différente nécessairement, leur nature est différente. C'est extrêmement différent. Alors, l'esprit est aussi différent de l'âme que l'âme est différente du corps. Elles ne sont pas de même nature. Encore, on peut parler du même phénomène. Qu'est-ce que l'énergie? L'énergie, c'est quelque chose qui permet la constitution de la matière. Par contre, l'énergie, comme l'électricité, ça permet quelque chose, ça permet d'animer la matière, comme dans un moteur électrique. Alors, si on dit que le moteur électrique est exactement la même chose que l'électricité, pourquoi l'électricité est-il différente du moteur électrique? J'aime autant me mettre les deux fils du moteur électrique sur la langue que les deux fils qui sont pris dans le mur. Pourtant, c'est supposément la même chose. Mais depuis Hiroshima, on sait que la matière est de l'énergie. Depuis un peu avant, évidemment. On sait que la matière est de l'énergie. C'est des expressions différentes. Le pourquoi aurait une réponse qui serait physique et astrophysique. Mais quand on recherche un pourquoi spirituel, ça ne sert plus à rien, c'est de la mécanique. Le vent est mécanique, l'atome est mécanique, l'être humain évolue, c'est mécanique, il n'a pas le choix. L'être humain a évolué, c'est mécanique, il n'avait pas le choix. Les animaux qui sont carnivores mangent des herbivores, ils n'ont pas le choix. Les herbivores mangent des végétaux, ils n'ont pas le choix. C'est mécanique. Dieu aime l'homme, il n'a pas le choix. L'homme aime Dieu, il n'a pas le choix. Problème de l'homme, les dieux. Problème des dieux, les hommes. Alors pourquoi, si la même chose est... Si c'est une même chose, pourquoi donne-t-elle des apparences différentes? C'est au niveau de son expression. Puis l'expression, c'est la vitesse avec laquelle elle se déplace. Puis la vitesse avec laquelle elle se déplace, c'est ça qui permet à l'être humain d'englober plus de choses ou moins de choses de la main du même événement, donc de la main du même objet, dans un laps de temps qui est chronométré par sa vitesse cérébrale. Si vous avez la faculté de voir une chose en 1/24 de seconde, eh bien, si dans ce 1/24 de seconde défile 1 000 de long d'une chose, vous allez avoir l'impression de voir un cube. Par contre, si la chose se met à ralentir dans son défilement, vous allez avoir l'impression de voir une tige. Et si elle ralentit énormément, vous allez avoir l'impression de voir une grande ligne. Alors, si en 1/24 de seconde, un objet qui mesure 1 000 de long a le temps de passer du début à la fin devant vous en 1/24 de seconde, vous allez avoir vu un cube. Si l'objet passe régulièrement devant vous, vous allez vous imaginer, si votre tête ne peut pas bouger, de voir une chose qui est fixe. Sauf, évidemment, s'il y a des points dessus pour vous montrer qu'elle bouge. Mais encore là, si les points sont chronométrés, c'est-à-dire que s'il y a un point qui passe au 24e de seconde, vous allez voir un point fixe. Exactement comme une roue de chariot, hein, qu'on voit tourner dans un centre. Puis quand le chariot arrive à une certaine vitesse, le mouvement semble ralentir, finalement devient fixe. Puis si le chariot accélère, le mouvement commence à aller en arrière. Il ne retourne pas à l'envers. Mais ce que nous voyons, oui. La question astrophysique qu'on peut poser, c'est que si on prend une tige de métal, qui a 1 000 de long, et qui, à l'extrémité de la tige, je prends ma main, moi, et je pousse la tige. Est-ce que l'extrémité, dans 1 000 de distance, avance exactement en même temps que l'extrémité dans ma main? Non. Notre monde est confiné à une accélération maximale de près de 300 000 km à la seconde. 299 792,5, c'est la vitesse maximale en kilomètres seconde. Et si je prends, par exemple, cette carafe, quand je l'avance, la partie dans ma main avance beaucoup plus vite que la partie à l'opposé. Ça ne paraît pas. Alors, quand j'avance la carafe, je comprime la carafe. Elle devient aplatie un petit peu plus. Si je prends une tige qui a 1 000 de long et qu'on mesure la tige, si je pousse la tige, la partie que je pousse va comprimer, va être écrasée sur la partie là-bas qui ne sait pas encore qu'elle doit avancer. Et ça, c'est le temps. La personne qui observe la tige là-bas ne la voit pas bouger. La personne qui l'observe ici la voit bouger. Et ça va prendre un temps avant que là-bas le sache. Dans une tige de métal, ça ne va quand même pas plus vite que 300 000 km à la seconde. Ça veut dire que si j'ai une tige de métal qui mesure 300 000 km, quand je l'avance, une seconde après, l'extrémité s'est avancée. C'est simple. Et tout notre univers est bâti à partir de perceptions que nous avons, nous, les choses. Alors, la glace ressemble à de la glace parce qu'il y a un observateur qui voit de la glace. L'eau ressemble à de l'eau parce qu'il y a un observateur qui voit de l'eau. On observe l'âme d'un point de vue, alors on voit l'âme. C'est la même chose exprimée dans des vitesses différentes. La matière, ça ici, ça va pas vite. Les atomes se promènent, mais ça va pas vite. Si ça va plus vite que ça, lentement la carafe va devenir chaude. Si ça va encore plus vite que ça, on va entendre des bruits avant. Si ça va plus vite que ça, elle devient chaude. Si ça va encore plus vite, elle va commencer à être lumineuse. Disons qu'elle est en métal, on va avoir un métal blanc, rouge, lentement blanc. Ça commence à diffuser de la lumière. Ça commence à éclairer. Là, ça va vite. Les micro-ondes, c'est un principe comme ça. Et si ça va encore plus vite, bien finalement, ça désintègre, ça veut dire que ça part en énergie. On parle de fission. Et c'est toujours la même chose exprimée dans des mouvements différents. Quelqu'un comme Walt Disney qui fait congeler son corps, vieux et malade, à quoi faut-il s'attendre comme conséquence? Bien, à un moment donné, on va essayer de dégeler un corps vieux et malade. D'ailleurs, dans le cas de Walt Disney, c'est pas sûr que sa famille a démenti qu'il avait été congelé. Oui, mais il a quand même été congelé. On lui a vidé les artères, on l'a recouvert de plaques d'azote. On l'a effectivement congelé. Mais la seule chose qu'il y a, c'est que ça n'a pas fonctionné. Alors, présentement, il est... Est-ce que... Ça a commencé en Angleterre, je pense, à Daniel Lalonde. Ça a commencé un peu avant ça. Ça a commencé quelques 10 000 ans avant. Okay. Disons, dans les dernières années. Ah bon? Dans le nouveau commencement, à Londres, je pense, ou tout près de Londres, qu'on a commencé à les congeler. De la momification. Aujourd'hui, les méthodes ont changé. Quand ouais. Même, ça a commencé même là. Est-ce que, à ta connaissance, il y en a qui ont été... Congelés? Non, décongelés. Ah, décongelés, oui, quelques-uns, oui. Ça n'a pas réussi. Ils n'ont pas survécu. Non. Le premier, disons que le premier congelage du vivant d'un être vivant remonte à quelques millions d'années. Mon bien, ceux-là. Mais ça l'a décongelé tout seul. Et puis, on en a un vestige dans un musée à Stalingrad, en Union soviétique. C'est un bébé mammouth. Avec le poil, l'herbe et tout. Il est en train de manger quand il s'est congelé. Si on faisait référence aux gens qui ont été congelés... Non, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que quand on congèle, on congèle. Et puis, il y a une structure intéressante qui constitue l'homme. La seule structure imbécile et géniale de notre planète qui permet de dissoudre à peu près tout ce qui existe en tant que matière, presque tout, pas tout, mais presque, qui permet de communiquer des essences, l'eau. L'eau est un conducteur d'énergie vitale. L'eau permet de d'ioniser des minéraux et les plantes peuvent les absorber. L'eau permet de nous laver, donc ça dissout encore une fois la majorité des choses organiques et naturelles de notre planète. L'eau, il pleut, ça déshydrate, on en a besoin, on est constitué à plus de 70% d'eau. Et le problème de l'eau, lorsqu'elle gèle, elle prend de l'expansion. Et quand ça prend de l'expansion, bien on met de l'eau dans un bocal, on le ferme, puis on le met dans le frigidaire. Le bocal casse. Toutes les cellules sont des petits bocals pleins d'eau. Et c'est le problème de la congélation, c'est que les cellules éclatent. Alors, ça, on vide le sang, on essaie de vider tout le liquide lymphatique, on essaie d'éliminer un paquet de choses. On arrive à préserver une structure apparemment vivante au niveau cérébral, et puis même là encore, ce sont des théorèmes. Mais le gros problème, c'est que le corps est totalement brisé lorsque tu le décongèles. Alors, on va dire, il faut le décongeler lentement. Ouais. Ça, c'est dans les vues de science-fiction, finalement, décongeler lentement, vite ou lentement. Vite, ça fait plus mal, mais de toute façon, il n'est pas fort. Alors, lentement, ça fait moins mal, mais... Alors, voilà, il faut qu'on fasse des points de suture à chaque cellule. La microchirurgie pour rendre. Quelqu'un qui est excommunié, prélat ou simple paroissien, y a-t-il des conséquences réelles, si oui, lesquelles? Oui. Oh oui. Alors, on parle nécessairement de choses légères. Il y a effectivement des sonseigneurs qui, dernièrement, ont été excommuniés. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est excommunié? Eh bien, on n'a plus le droit, on ne peut plus, notre âme est totalement parée. On est sur la liste noire du ciel, dans lequel cohabitent certains égrégores divins, dont le plus connu porte le nom de mon Dieu, et les autres égrégores similaires, disons qu'il y a des appellations pour des facettes différentes de ce mon Dieu, ça peut être mon Père, ça peut être Père. Dans cet égrégore céleste, donc dans ce ciel, ce n'est pas le ciel de tous les humains, il y en a qui ont un ciel plutôt krishnique, d'autres ont un ciel halik, qui est relié à Allah, d'autres à Krishna. Alors ce n'est pas la fin du monde. Mais lorsqu'on est excommunié, normalement, on devrait changer de nom. Pourquoi? Parce que notre prénom est un canal. Et si on est, par exemple, évêque ou quoi que ce soit, eh bien, on a un nom particulier de baptême au fur et à mesure de notre ascension au niveau des choses théologiques. Et on devrait changer de nom de façon à finir l'excommunication. Donc, on coupe totalement les contacts réincarnationnels qui nous habitent avec ce monde de la mort, ce ciel. Quelle est la problématique? Eh bien, il y en a une seulement si l'âme refuse d'être excommuniée. Donc, si l'âme fait tout pour rester attachée au ciel, il y aura une problématique au niveau évolutif. Et une problématique en ce sens que celui qui est banni d'un système religieux a plus de chances d'avoir accès à un contact supramental avant les autres parce qu'il se voit obligé d'être individuel. Il voit aussi une déconnexion du point de vue de l'être-contrôle qui permettait la réincarnation pluralitaire de ce monde de la mort dans lequel il est excommunié, duquel il a été excommunié, et vers lui-même. Et ça lui permet donc d'avoir accès à d'autres facettes du monde de la mort, ce qui lui donne une conscience planétaire beaucoup plus vaste, beaucoup plus rapidement. Par contre, la majorité des âmes qui vont être excommuniées, pas tous, mais une grande partie, ont tout fait pour ne pas quitter l'égrégore dans lequel ils ont été excommuniés, et ils font partie d'un processus permis par Dieu, l'engendrement de sectes, c'est-à-dire un canal qui permettra quand même de nourrir le même égrégore, mais avec de nouvelles clés. De nouvelles clés, ça veut dire que tu ne peux plus prier exactement de la même façon, parce que là, tu passes par la clé où tu as été excommunié. Parce qu'en réalité, Dieu ne peut pas t'excommunier. C'est l'homme qui excommunie, et l'homme va t'interdire les clés du canal qui te permettent d'avoir une réincarnation de cet égrégore et qui te permettent de nourrir l'égrégore. Étant excommunié, tu n'as plus le droit. Par contre, l'égrégore en haut, le Dieu, qui est égocentrique, a besoin d'énergie, donc de fidèles, et c'est pourquoi il veut que les gens convertissent. Il va te permettre d'avoir accès à d'autres clés pour que tu puisses passer par la porte d'en arrière ou la porte de côté. Donc, tu deviens un système sectaire qui adore finalement le même Dieu, avec les mêmes livres, ça peut être encore la Bible, mais des chapitres différents, des clés différentes, des interprétations et des rituels différents. Alors, si on regarde dernièrement ce qui s'est passé au niveau de l'Église catholique, eh bien, les clés, ce sont les vieilles clés traditionnelles, ce ne sont pas les clés globales. Les clés les plus puissantes pour avoir accès à l'égrégore divin de l'Église catholique romaine, ce sont les clés modernes que l'Église emploie. Sauf que le fait, par exemple, de ne pas dire les messes en latin fait en sorte que la manipulation du prêtre sur ses fidèles, il apparaît, parce que le latin était un langage magique. Ce n'était pas ce qui était dit qui était important, mais la prononciation orale de ce qui était dit. En le mettant en français, là, tu dis ce qui était dit, mais ça ne sert plus à rien, la prononciation n'est plus là. C'est comme une formule magique, tu ne peux pas la traduire. Tu l'as dit dans la langue ou tu en inventes un autre. Alors, les traditionalistes qui, présentement, sont excommuniés en fin de partie, eh bien, eux, ils ont accès à de vieilles clés qui ont perdu un peu de puissance. Ils peuvent les raviver s'ils veulent. Et il n'y a pas de problématique du point de vue cosmique ou du point de vue céleste, égrégorien ou divin. Il y a de problématiques du point de vue de la culpabilité qui peut être engendrée par ceux qui excommunient dans ceux qui sont excommuniés. Maintenant, l'individu qui meurt et qui est excommunié, eh bien, son âme, s'il n'a pas eu le temps de refaire de contact ou d'ouvrir de canal avec l'égrégore dans duquel il a été excommunié, il s'en va dans un égrégore, soit de marginal, les naïfs, il s'en va dans un égrégore de personnes qui croyaient à d'autres choses, il va dans un égrégore local, c'est-à-dire un égrégore, s'ils sont 1000, 2000, 3000, bien, ils se confinent dans leur égrégore. Et lentement, si l'égrégore est suffisamment énergisé, à 2-3 000 personnes, ça commence à l'être assez. Surtout s'il y a des martyrs là-dedans, c'est encore mieux parce que ça donne beaucoup plus de volumétrie émotive au monde de la mort. Ça peut, à la longue, engendrer une autre religion ou un autre secte. Si c'était une personne, Daniel, qui, comme ici, là, j'ai une autre partie, on mentionne qu'il y a un monseigneur qui a été excommunié, je n'étais pas au courant. Peut-être, est-ce que c'était déjà passé, ça, quand j'étais dans la brousse? Au Guatemala, tu n'es pas au courant. C'est pas un pays civilisé, ça, les excommuniés. Un individu peut comprendre de ce niveau, peut avoir accès des fois à comprendre beaucoup de choses, surtout aujourd'hui en 1988. Si cette personne a une puissance qui est assez avancée, une puissance assez forte, est-ce qu'elle ne serait pas flirtée dans l'astral par différentes oui. autres connotations religieuses? C'est dangereux comme question. Effectivement, l'individu qui est excommunié devient un potentiel de possession ou de manipulation assez alléchant pour le monde de la mort. Et on parle évidemment d'un individu. Si on parle, on fait référence à des organisations, à des religions organisées, comme dans le cas justement de des personnes qui ont fait la manchette ces derniers temps du point de vue théologique, ils ont déjà un égrégore suffisamment amalgamé, ils ne devraient pas risquer, mais il y a toujours un potentiel de risque, parce qu'ils sont déconnectés, ils sont donc libres, ils deviennent des corps libres, ils ont des âmes libres, des agents libres, et effectivement, ils peuvent être des potentiels, ce sont des potentiels très alléchants, du point de vue des manipulations du monde de la mort et des possessions du monde de la mort, par des forces sataniques, entre autres, et des entités réincarnatives qui sont extrêmement basses, ou encore par des phénomènes retardataires qui sont des bas-fonds de l'âme qui vont suivre après le décès d'un individu. Oui, mais si la personne est puissante, si la personne est puissante, elle va être confrontée, disons qu'elle est seule. On prend l'exemple d'une personne excommuniée qui, à un moment donné, prend conscience dans l'église où elle est, quelle que soit l'église, ce n'est pas nécessairement l'église catholique, et elle prend conscience de certaines choses et elle veut révolutionner, changer ou encore rétrograder, parce qu'il y a des choses dans le passé qui sont très bonnes, de certains points de vue, mais qui ont été abandonnées. Par contre, ça permet d'autres choses, etc. Donc, il y a beaucoup de mathématiques à faire là-dedans. Un autre individu qui décide de prendre sa foi en main, c'est un peu ce que le Monseigneur fait d'ailleurs, même s'il a besoin de fidèles pour l'énergiser à se prendre en main, c'est quand même un peu ce qu'il fait. Alors, lorsqu'une personne prend sa foi en main, nécessairement, il est relativement puissant pour être capable de marcher contre l'humanité de son égrégore. Il faut qu'il soit relativement puissant ou très manipulé. Et dans le cas d'un individu extrêmement puissant, il va devoir se confronter à certaines formes de possession, de manipulation, donc d'anti-hommes planétaires, qui vont vouloir prendre possession de ses capacités à diriger, à se tenir debout devant les hommes. Et aussi, ce qui peut arriver de temps en temps, c'est qu'on prend un individu, on le fait monter, et quand il est suffisamment monté, disons qu'il est excommunié, on peut aussi se faire rejeter d'une nation, c'est le même phénomène, une excommunication nationale. Alors, lorsque l'individu est excommunié, il se peut que de temps en temps, ce qui l'a monté se retire. Et là, il devient possédé par une autre entité, et le but était, c'est un but de style catalyseur d'évolution pour permettre la libération d'un corps fort. Donc, c'est un coup fourré de l'évolution, un coup fourré du monde de la mort, mais c'est des choses qui arrivent. Ou un tremplin. Pour d'autres. Ouais. Pas pour lui. Quand c'est pour lui, il rencontre donc des entités du monde de la mort. Il rencontre différentes choses, il est confronté à ce que, dans une religion, par exemple, il pourrait appeler Satan. Il pourrait peut-être rencontrer des forces arimaniennes, même s'il ne les connaît pas, mais il appellerait ça satanique aussi. Et il peut être confronté à plusieurs choses dans ce genre. Et s'il est suffisamment puissant, il va les rejeter. Et normalement, il va rejeter aussi sa propre religion, donc la secte avec laquelle il est parti. Et normalement, c'est l'individu totalement puissant. Il va finir par se secouer les épaules suffisamment fort pour que tout ce qui est traditionnel tombe. Voici la question laquelle on nous parlait tantôt. Là. Quelles seront les conséquences de la décision de Jean-Paul II d'excommunier Mgr Lefebvre? Que fera Mgr Lefebvre? Est-ce un autre chômage? Dans les temps actuels, lorsque l'on dit à des individus « ne buvez pas tel breuvage, il n'est pas bon », beaucoup vont vérifier si c'est vrai. Et pourquoi l'Église a tant hésité, en l'occurrence Jean-Paul II et ses conseillers, à excommunier une personne, donc ce monseigneur, c'est que ça risque, il risque de stimuler publicitairement ce qu'il veut justement empêcher. Alors, quelles seront les conséquences de la décision de Jean-Paul II d'excommunier Mgr Lefebvre? Eh bien, ça, c'est une partie, disons, des schismes de l'Église. Ça fait déjà plusieurs centaines d'années qu'on n'en a pas eu. Et c'est très, très problématique. Je ne veux pas trop en parler, à moins que le monsieur ici me pose diplomatiquement. Je ne veux pas trop en parler. Pourquoi? Parce que cette Église, l'Église catholique, existe encore aujourd'hui. Mgr Lefebvre aussi, etc. Je ne suis pas un prophète, je ne prophétise rien. Mais c'est évident que c'était extrêmement dangereux du point de vue de l'Église de l'excommunier. Et c'était extrêmement dangereux du point de vue de l'Église que de ne pas l'excommunier. Et cela fait partie des manipulations des hautes sphères de l'astral pour obliger des individus corrects à agir de façon à ce qu'ils paraissent incorrects devant des gens. Jean-Paul II aurait très bien accepté Mgr Lefebvre, comme il est capable de rencontrer les Juifs et d'autres ethnies religieuses. Le problème, c'est qu'à l'intérieur d'une hiérarchie, on ne peut pas tolérer, c'est vital pour la hiérarchie, des gens qui ne respectent pas la codification. Et, disons, rejeter Vatican II, c'est rejeter le Vatican complet. Et ça crée de grands problèmes. Alors, à moins de questions très, très originales et pertinentes, on pourrait en parler, mais sinon, disons que c'est... Je préfère faire ça à la prochaine conférence du mois. C'est peut-être préférable aussi. C'est assez relativement complexe à en parler. Tarot, astrologie, numérologie, est-ce des sciences anciennes pour l'homme ancien ou où est leur utilité? Je pratique ces sciences par curiosité. S'il vous plaît, commentez. Bon, on peut dire que 90 % des gens pratiquent ces sciences par curiosité. Près de 100 % payent pour en bénéficier, même s'ils n'y croient pas. Bon. Le tarot, c'est l'art de connaître un état psychologique à partir d'un amplificateur, un catalyseur, un stimulateur qui, normalement, va être un jeu de cartes. Quand il devient une mancie, tarot-mancie, alors on va dire connaître aussi l'avenir à partir du stimulateur que seront les cartes. La numérologie, c'est la codification à partir d'un langage, un nom, entre autres, et d'une théo-mathématique, mathématique divine, qui devrait nous permettre de connaître, encore une fois, la psychologie de l'homme, son caractère, ses tendances, ses capacités, parce que le nom est extrêmement important en ce qui concerne ce qui réincarne pour constituer l'âme. Connaissant le nom étant le nom du canal réincarnationnel, avec le nom, on peut donc arriver aussi à savoir un peu quelle aura la forme du canal. La numérologie nous permet d'avoir une configuration de la forme du canal. Cela nous permet de savoir un peu quel genre de personnalité réincarnative peuvent passer. Et on peut donc connaître un peu ce qui se passe dans l'homme. Connaître l'avenir par la numérologie? Non plus. Par contre, connaître l'extrapolation, un gars qui boit, tu peux prévoir qu'il va boire. C'est pas pire. L'astrologie, c'est la capacité qu'a l'être humain par les mathématiques de connaître la position des astres. Connaissant la position des astres et croyant que les astres influencent l'homme alors que les astres ne font que traîner autour de la planète Terre des paliers mobiles du monde de la mort, des paliers particuliers, qui sont dans certaines régions de notre sphère céleste dans certains temps donnés. Et lorsqu'il y a une incarnation ou une réincarnation pluralitaire, eh bien, si Mars, si l'égrégore martien belligérant est attiré par la planète Mars et que l'individu se réincarne à l'opposé de Mars, il n'a presque pas de mémoire martienne qui se réincarne chez lui, donc il n'est presque pas colérique, presque pas violent. En connaissant la position des astres, l'individu inconsciemment connaît la position des paliers mobiles du monde de la mort et il sait... un peu, connaissant la date de naissance et le lieu, quel palier mobile, il ne sait pas ce qu'il fait, mais disons c'est ce qui arrive, il connaît donc par la position des planètes quel palier mobile était là, donc il a une idée de la constitution réincarnationnelle de l'âme, donc il a une idée en connaissant la position des planètes ultérieurement, par la suite, de connaître un peu quelles affinités il y aura entre les personnalités réincarnationnelles de l'âme et les mondes, les paliers mobiles du monde de la mort présent, donc il peut savoir un peu de quelle façon il sera manipulé, ce qui lui permet d'engendrer une espèce de carte du ciel, où il aura une idée des manipulations qui peuvent advenir chez un humain. Et encore une fois, on peut parler de prévoir l'avenir. Est-ce des sciences anciennes? Oui. Pour l'homme ancien, oui. Moi, je ne suis pas assujetti à la numérologie, encore moins au biorythme. Je ne suis pas assujetti à l'astrologie. Et comme n'importe quel être humain qui, à un moment donné, aura suffisamment d'intelligence chez lui, si l'astrologie veut encore le manipuler, lorsque l'homme nouveau décide de tourner à gauche et que Jupiter veut qu'il tourne à droite, bien Jupiter devra changer d'orbite. Je pratique ces sciences par curiosité. C'est effectivement très curieux de pratiquer ces sciences. Voici une nouvelle maladie, du moins pour moi. J'ai une égorantite aiguë de mon ego. Des moyens d'action. Inflammation de l'ego. Et bon, alors elle a une inflammation de l'ego. Des moyens d'action. Parfait. Allons-y. S'inscrire dans un camp naturiste. Des moyens d'action, se teindre les cheveux en vert. Quand on est habitué, on se les coupe. Quand on est habitué, on se les laisse pousser. Aller voir de temps en temps des danseuses topless. Quand on aime ça, ben, on va peut-être danser. Ben, on y va pas. Faire mon séminaire. C'est pire que les danseuses. Il y a donc un paquet de moyens de finaliser l'ego en l'ego en titre, l'inflammation de l'ego. Et nécessairement, le moyen chirurgical, c'est l'ablation totale de l'ego. Et là, on règle le problème. Est-ce qu'il y a des chirurgiens qui peuvent pratiquer cette opération-là, par exemple? Il y a des chirurgiens qui peuvent le pratiquer, mais l'état du patient est prédéterminant, c'est-à-dire que habituellement les patients qui souffrent d'égorantite n'ont pas de santé suffisamment bonne, on ne peut pas les anesthésier convenablement, on ne peut pas les ouvrir. Alors, il y a quelques chirurgiens qui existent à l'échelle cosmique, mais ils préfèrent passer par les médicaments. Les médicaments ont des effets secondaires qui amènent des maladies physiques, qui font encore plus traumatiser l'ego, hein, ça inflammationne un peu plus. On a des antibiotiques qu'on donne un peu de temps en temps, c'est-à-dire du baume sur le cœur. Il y a un paquet de maladies, de médicaments astrales donnés par, non pas des chirurgiens, mais des médecins pilules du monde de la mort. Et puis, il y a encore un problème au niveau de ces médecines pilules, c'est que quand la personne elle est guérie, elle est guérie de son égo rentre, et bien on continue encore à lui donner des médicaments parce que ça fait vendre. Les religions sont des médecines pilules un peu. Alors, présentement, il y a quelques chirurgiens, mais il n'y a pas encore d'humains qui sont en suffisamment bonne santé pour pouvoir passer. Et on appelle cela une initiation solaire, l'opération. Alors, on opère avec un peu plus puissant que le laser. Il faut que le corps soit quand même assez solide. Est-ce qu'il y a une différence entre réfléchir et penser? Est-ce qu'il y a une différence entre réfléchir et penser? Ben oui. Une petite. Quand on pense, on réfléchit, mais on pense pas qu'on réfléchit. Quand on réfléchit, et on pense pas qu'on pense. La réflexion est lorsque l'être humain n'essaie pas de s'accaparer de ce qui est réfléchi dans sa conscience, c'est-à-dire qu'il y a, disons, de l'énergie qui provient du monde de la mort exclusivement, et qui descend dans le système neuronique de l'homme et qui est réfléchi. Ça laisse une trace dans le périsprit et qui, par l'interpréteur actionnel, vient engendrer une stimulation atomique au niveau des neurones, ce qui engendre une dépolarisation dans certains neurones ou dans certaines centaines de neurones. La dépolarisation d'un neurone à l'autre par le biais des axones engendre un petit champ électromagnétique à peine perceptible et cela engendre une idée électromagnétique qu'on appelle la pensée. Et quand l'être humain réfléchit, il n'attache pas d'importance, il laisse le flot passer. Il réfléchit. Alors, il ne fait que réfléchir à ce qui se passe. Et lui, il est le miroir. Il ne peut prendre connaissance que ce qui est réfléchi, et non pas du faisceau lui-même. Lorsqu'il pense et lorsqu'il croit que ce qui est réfléchi provient de lui, alors là, il dit, je pense. Sinon, minute, je réfléchis. Et là, il n'y a rien, il ne parle pas, et de là, il laisse aller. Il attend que ça vienne, il réfléchit. Lorsqu'il pense, là, il se parle dans sa tête. Et là, il se promène avec ses idées, puis là, il essaie d'y aller. C'est mieux réfléchir que de penser. Bon. Par contre, ça, c'est la nuance entre réfléchir et penser. Mais il y a autre chose. Quand on réfléchit, on est observateur. On ne croit pas être l'intentionnalisateur, le penseur. Quand on pense, on observe, mais on joue. Le jeu de ce qui... On pense que c'est nous qui envoyons ce qui est réfléchi. Alors, je pense, donc je suis. C'est pas tout à fait vrai. Et il y a autre chose. L'être humain qui a peur, il ne réfléchit plus. La peur, c'est réfléchi chez lui. Parce que ça engendre une stimulation endocrinienne particulière qui fait que l'ego... par le monde de la mort de toute façon, parce que la pensée n'appartient pas à l'homme, elle appartient au monde de la mort, comme l'écho d'ailleurs. Pensant qu'il a peur, alors là, il essaie de... Il voit plein de choses, ça passe dans sa tête, alors il pense à un paquet de cossins, il pense à des dangers, il pense à un paquet d'affaires. Au-delà de la pensée, donc, il y a la réflexion, il y a l'égoïsation de la réflexion qui est la pensée. Au-delà de la pensée, il y a la parole. Il y a la parole neuronique et la parole vocale. L'être humain qui a peur peut aussi parler dans sa tête. Alors, il va dire, « Hey, qu'est-ce qui m'arrive? Faut que je me calme. » Là, il ne pense pas. Il ne réfléchit pas. Il parle. Il parle dans sa tête. Mais là, il est là, lui. Et c'est ça, l'homme. Ça, c'est la partie espritique de l'homme. Tout le reste, c'est la partie astrale, égoïque, amique, etc. Ça, c'est l'homme. L'homme qui dit, « Wow! » Mais en même temps, il continue à penser. C'est autre chose. Ça, c'est la partie, la dimension planétaire. Quand l'homme parle dans sa tête, c'est la dimension extraplanétaire, la dimension spirituelle, l'esprit. Alors l'homme se dit, wow, minute, qu'est-ce qui m'arrive? Faut que je me calme. Mais en même temps, ça continue à réfléchir parce que presque 95% de l'homme est bâti pour réfléchir le monde de la mort, de façon à cellulariser de l'évolution au niveau de son corps physique. L'homme peut aussi parler par la parole. Il peut penser tout haut, réfléchir tout haut, c'est autre chose. Il peut aussi parler tout haut. Alors, l'homme nouveau, celui qui est en conscientisation, n'importe quelle personne transitive, lentement découvre la parole de la tête. Et c'est là que commence la guerre. La guerre entre l'esprit et l'âme. La guerre entre l'individu qui se dit, il ne pense pas, qui se dit, « Maudit, il faut que j'arrête de fumer. » Et toute la structure qui a besoin de fumer. Et là, l'individu commence à se sentir mal. Il est donc en mutation, c'est-à-dire qu'il est réellement en conscientisation. Et là, ça engendre toutes les problématiques que plusieurs connaissent ici de cette évolution où plus on sait, plus on souffre. Jusqu'au jour où vous allez savoir suffisamment pour démolir ce qui souffre, ben, l'ego qui se sent coupable, qui invente des concepts d'évolution, puis qui se compare au concept Pesquier, etc. Alors donc, on réfléchit, on pense, là c'est lorsqu'on égoïse la réflexion. L'animal réfléchit, l'animal, et là puis il cherche. Puis, il cherche un chemin, il cherche quelque chose. Il réfléchit, il ne pense pas. Il ne sait pas qu'il réfléchit. L'homme, il réfléchit, mais l'homme sait qu'il réfléchit, alors l'homme pense. Il égoïse sa réflexion, il pense que c'est lui l'intentionnalisateur. Et lorsque l'être humain commence à parler, dans sa tête, comme à l'extérieur, il commence, il embarque, il vient de mettre un orteil, un ongle d'orteil, une poussière en dessous de l'ongle d'orteil, sur le chemin qui va l'amener à être son seul maître. L'homme doit être son seul maître. Et ça, c'est quand il commence à parler. Lorsque tu dis que l'homme parle dans sa tête, il faudrait aussi, je pense, faire une différence avec lorsque ça parle dans sa tête. Oui, mais lorsque ça parle dans sa tête, c'est encore la pensée. C'est encore par la structure de la pensée. Ça peut provenir d'un ajusteur de pensée qui n'est pas encore soudé, qui n'est pas personnalisé, qui n'a pas d'expérience. Ça peut provenir du monde de la mort, d'une entité spirituelle suffisamment identifiée, puis c'est égrégore, soit un saint, soit un maître, quelque chose dans le genre. Mais encore, quand ça parle dans ta tête, c'est bien simple, essaye d'y répondre. On peut répondre à une pensée, parce que c'est deux choses. Si tu peux répondre à ce qui te parle là, ferme tes neurones. Je ne peux pas dire ferme tes oreilles. Pourquoi tous les enfants d'âge préscolaire ont-ils peur des monstres, des oranges et du noir? Est-ce une peur instinctive? Sont-ils manipulés? Bon, tous les enfants, pas tous les enfants, mais beaucoup d'enfants, effectivement, ont peur des monstres, des oranges et du noir. Premièrement, parce que l'enfant a un ego qui n'a pas suffisamment d'expérience, il a peur du neuf. Deuxièmement, dans notre société, le neuf apparaît souvent sous forme de monstre. Alors, on a toute la panoplie de télévision, même des jeux, des jouets éducatifs, apparemment, qu'on donne aux enfants pour que les habitués à avoir peur. Il y a aussi la façon dont on leur parle. Les parents m'ont dit « Oui, mais moi, je ne leur parle pas comme ça, non, peut-être, mais il y a peut-être des voisins qui leur parlent comme ça, des tantes, etc. » Ou pour les empêcher d'aller fouiller quelque part, on leur raconte des histoires intéressantes. L'orage, étant donné que l'orage ne peuvent pas comprendre encore ce que c'est parce qu'on ne prépare pas l'enfant à découvrir le monde. Hein, l'école, c'est comme un orage, mais on ne lui en parle pas trop. Alors, lorsque ça se met à tonner, il y a encore des adultes qui en ont peur. Même si ça ne paraît pas, ça se sent. L'enfant le sent. L'enfant n'est pas encore un adulte, il n'est pas encore tout... il n'est pas éduqué. Bon, il n'est pas civilisé encore. Alors, il le sent. Alors, nécessairement, l'enfant décode qu'il y a un problème. Et nécessairement, ne sachant pas ce qui se passe, dehors, quand ça se met à crier plus fort que ta mère, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est normal que l'enfant ait peur des orages. Le noir, c'est normal pour la simple raison que l'ego de l'homme, depuis déjà des milliers d'années, est orchestré de façon à être totalement connecté aux yeux. C'est-à-dire qu'il laisse passer toutes les informations oculaires directement à lui par le biais du thalamus, par le biais d'un interpréteur actionnel et par le biais de son périsprit. Tout ce qui arrive à l'œil arrive immédiatement à l'ego. La vitesse de la lumière étant plus rapide que le reste, cela permet à l'ego d'avoir accès à une source d'information presque inépuisable, presque instantanée, étant donné les petites distances. Alors, nécessairement, l'ego lit par l'œil. C'est pourquoi, lorsqu'on veut penser, on doit fermer les yeux, sinon l'ego ne peut pas penser les yeux ouverts. Et c'est pourquoi un paquet d'autres choses sur le système oculaire sur lequel on va passer. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que lorsqu'il fait noir, les yeux ne servent plus à rien. Et comme l'ego est totalement branché dans sa structure sécuritaire aux yeux, bien, immédiatement, toute sa possibilité de lire le monde est coupée. Cela engendre de l'insécurité totale chez l'ego. Si on prend l'exemple d'une personne qui, de la naissance ou en vieillissant, finit par perdre l'usage de ses yeux, normalement, l'ego se branche sur ses oreilles, qui va être la deuxième source, ou, dans cet état-là, la première source, la plus rapide. Cela permet d'amener une information du monde par le système auditif très rapide. Mais là, si on bouge les oreilles à une personne qui n'a que les oreilles pour fonctionner dans le monde, eh bien, elle vivra la même insécurité que celui qui découvre le noir. Lentement, l'enfant, l'ego, finit par apprendre que le noir ne l'agresse pas, que le noir est simplement une source d'ignorance, c'est-à-dire qu'il ne peut pas savoir ce qu'il y a. Alors, c'est normal qu'il ait peur parce qu'il n'a pas été éduqué à comprendre des choses du monde. Que dois-je faire? Dans ma tête, c'est un fouillis total. Je ne sais plus quoi faire. J'en ai assez d'exister dans cette merde, car tout est plate pour moi. Je n'ai plus le sentiment de vouloir vivre, de faire quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? On doit aller voir un bon film. Dans ma tête, c'est un fouillis total. Mais c'est normal, c'est pas grave. Quand l'être humain arrive à avoir accès à des bribes d'informations, il y a toujours un moment donné au niveau de son ego où l'information qui rentre n'a pas de place dans ses vieilles traditions. Et où l'information qui rentre vient mêler les vieilles traditions. Et quand je parle des vieilles traditions, je parle de toute l'éducation de l'individu, de tout ce qu'elle pensait, de tout ce qu'elle savait. Alors, à un moment donné, effectivement, ça fait un fouillis total. L'individu qui a un fouillis total est un individu très évolué. Le problème, c'est que la majorité des individus très évolués n'attendent pas suffisamment de temps de vie pour finir, pour être bien. Alors, il y en a énormément qui vont se suicider, il y en a énormément qui vont se droguer, qui vont s'alcooliser, qui vont se musicaliser en écoutant des conneries musicales, qui vont jouer du sexe au coton, ou qui vont faire un paquet d'autres choses, au lieu de simplement prendre patience et attendre. Puis l'humain, c'est pas ce que c'est que prendre patience. Il y en a, je leur dis, il faut que tu prennes patience, ça va venir. « Ouais, mais ça fait 20 ans, là! » Mais c'est ce que je te dis, prends patience. Là, tu es impatient. Mais 20 ans, 20 ans. Sur 4,5 milliards d'années, 20 ans, on gueule. Oui, c'est beau. On n'a pas les mêmes critères de mesure. Et bien souvent, celui qui met fin à son fouillis d'une façon involutive, celui qui veut se refroidir la tête, celui qui voit, il se terrestrifie, se refroidit, le fouillis s'en va. Celui qui met fin à son fouillis, c'est toujours quelques pas avant d'atteindre le résultat. Et là, encore, la personne, elle peut dire, oui, bon, ben d'accord, là, j'attends. Puis un an après, elle vient me voir, puis elle dit, là, ça fait un an, j'attends, là, je t'écœurerai. Mais là, un an, t'étais pas proche. Là, t'es peut-être proche. Mais encore, attendre 6 mois. Après 6 mois, elle vient me voir, elle dit, hey, mais non, mais là, t'es proche. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que c'est vrai. Puis quand un individu, c'est comme dans n'importe quelle affaire, quand on abandonne, c'est juste quand on était proche de réussir. Mais l'individu, tof, il tolère, puis quand c'est presque le temps, le jeûne, c'est pareil. Quand t'as presque, ça va. Les vacances, c'est la même chose, etc. Bon, c'est un peu de travers de toi, c'est bien. Je ne sais plus quoi faire, j'en ai assez d'exister dans cette merde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette merde, c'est la plus belle merde de toutes les merdes. L'individu qui s'alcoolise, qui se drogue, qui se musicalise, qui se suicide, etc., va dans un monde qui n'est pas tellement mieux, qui est même un peu plus pire parce que c'est le même monde, avec une nuance. Il n'est pas expérientiel dans ce monde, la personne. Il n'a pas de corps physique pour expérimenter les choses. Donc, il est dans ce monde et il ne peut plus rien changer. Ici, on peut dire, bon, ben, au moins, je mets fin à ma vie. Ça paraît, c'est l'apparence d'un changement. On a une possibilité de réaction. Dans le monde de la mort, il n'y a plus de possibilité de réaction. La personne qui se drogue, elle, se refroidit, donc elle devient totalement assujettissable aux manipulations extérieures. Oh, ce n'est pas grave, elle ne sent plus rien. D'accord. On peut avoir mal aux dents. On peut s'anesthésier totalement la bouche. Et puis, on ne sent plus rien. Et puis, la carie continue, les dents s'en vont, ça pourrit. La gencive se défait, l'os commence aussi à être grongé, il y a la gangrène là-dedans. Mais oh, c'est pas grave, on ne le sent pas. La vie est belle. Tandis que celui qui évolue, qui à un moment donné, lui, a la même carie, les mêmes, c'est la même chose. Mais lui, son évolution, c'est qu'il commence à dégeler, il se réchauffe. Il évolue, il gagne en énergie, donc il réchauffe, il commence à dégeler. Et puis finalement, poum, ça commence à faire mal. Là, il dit, tabarnouche, avant, quand j'étais gelé, il me semble que j'étais mieux. Oui. Et là, il continue à dégeler, continue à évoluer, puis finalement, il commence à crier. Puis là, il ne veut plus manger comme tout le monde. Là, tout le monde pense qu'il est rentré dans une secte, là, puis là, il veut changer son alimentation. L'alimentation à tous les niveaux, mais il ne peut plus manger la même chose, ça fait trop mal, il ne peut plus croquer les os, il ne peut plus manger, bon. Alors, lentement, il commence à manger végétarien, ça se digère mieux, il commence à manger liquide. Et puis, ça fait de plus en plus mal, on entend toujours chioler pour rien, parce que celui qui est gelé, il ne comprend pas que tu chioles à cause de ta mal à ta dent. Et puis, finalement, on le culpabilise, t'as bien qu'à rester gelé comme nous autres. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'en dégelant, bien, lentement, l'individu prend le contrôle de son corps. Finalement, tout le système ici va pouvoir se refaire parce que ça peut guérir mieux. Quand tu es gelé, ça ne guérit pas. Ça ne pourrit pas, mais ça ne guérit pas. Ça gèle. Et lentement, bien, l'humain continue à évoluer. Il y a toujours une phase où la dent va peut-être tomber, puis on va réparer des petites choses, et puis finalement, bien, ça passe. Mais pendant une période de temps, le fouillis total, c'est normal, c'est naturel. La sainte merde, imaginez-vous que... Dans la conscience où je suis, me promener en concorde, c'est comme me promener en tortue. Et je n'ai même pas de concorde à ma disposition. Alors imaginez-vous que quand il faut que j'aille niaiser dans le trafic sur des carrés, sur la planète Terre, être pogné à perdre son temps comme ça, c'est encore plus traumatisant que l'individu qui est en train de chioler parce que la musique rentre mal. Bon. N'empêche qu'on apprend, il faut être patient. Pour la simple raison que la seule façon de s'en sortir, c'est justement de dégeler. Quand on dégèle, ben ça fait mal. C'est un fouillis total, c'est le bordel total. On ne sait plus. Un but dans la vie pour mourir après. Franchement, c'est pas grave. Parce que moi, j'ai continué à un moment donné, à une époque, j'étais dans un fouillis total, et je me suis simplement comparé à un alcoolique, puis je me suis dit que l'alcoolique, il ne peut pas comprendre pourquoi il faut qu'il cesse de boire. Il est gelé, il ne peut pas comprendre. Il répond, je ne vois pas pourquoi. Et bien, il aime ça, pas de problème. Sauf que quand l'alcoolique est carrément dessoulé, quand il est sevré, il y a une tête tellement différente que là, il dit, « Ah, maintenant, je comprends. » Bien, l'évolution, c'est la même chose. Il vient un temps où on ne comprend rien, pas de problème. Mais quand l'alcoolique découvre qu'il est alcoolique, puis découvre qu'il aimerait mieux ne pas l'être, ah, là, il souffre. Il était bien mieux avant. Alors, il y en a qui boivent pour oublier qu'ils boivent. Mais c'est problématique. Et il y a beaucoup de jeunes qui se cassent la tête avec de la musique, avec de la drogue, justement pour oublier qu'ils sont intelligents, pour oublier leurs questions. Il y a des adultes qui peuvent faire la même chose. Puis le comble de tout, c'est l'anti-homme qui a tellement peur de l'évolution, qui tue le corps physique pour regagner le monde de la mort. Ben, c'est un suicide de notre point de vue. Il y a deux formes de suicide, un suicide logique et un suicide émotif. Alors, lorsqu'on arrive dans cette phase, eh bien, on doit simplement continuer. On continue. C'est l'orage, c'est ceci, c'est cela. C'est pas question de promesse. Chose qui est sûre, c'est que si on continue pas, eh bien, à un moment donné, on revient. Si on n'y croit pas, ça change rien. Si je vous dis qu'il y a un camion qui vous fonce dessus, puis vous me dites, ah, j'y crois pas, paf, bon, pareil, bon. Alors, on se réincarne quand même, c'est pas question de croyance, c'est question d'état de fait. Et après un laps de temps de conneries, l'individu commence à avoir de l'intelligence dans la connerie. Et il commence à trouver ça mauditement bien fait. Ce qu'il pensait con, c'est brillant. Et plus il va voir l'intelligence sous-jacente aux choses qu'il trouvait connes, plus il se dégage des conneries. Et lentement, de l'initiation lunaire, de l'initiation de l'animal humain, il va lentement transiter vers l'initiation solaire, l'initiation de l'être humain. Dans la première, l'initiation lunaire, ça se fait par souffrance égoïque, par stimulation hormonale, joie, déplaisir. Quand à un moment donné, il y a un ajusteur de pensée ou des bribes d'énergie supplémentale qui viennent travailler un petit peu l'ego de l'individu, ça vient étrangler son canal réincarnationnel. L'individu est moins stimulé, émotivement à vivre. La vie commence à être plate, elle perd des dimensions. Et lentement, le corps doit être travaillé, muté, Et cette mutation, elle dure entre 6 mois et 250 ans, dépendant des corps physiques. Bon, certains, dans d'autres pays, c'est plus long, mais quand même. Et lentement, et là, certains vont dire, « Ouais, mais 250 ans, mais peut-être que tu as fait 245 ans, là, depuis deux vies. » On ne sait pas. On attend. Nos parents ont fait un bon job aussi. Alors, on attend. Et puis, à un moment donné, veut, veut pas, il y a une chose qui s'éclaire. C'est juste un peu plus frustrant parce que l'individu aimerait que tout s'éclaire en même temps. Laissez le temps au 9/10 de votre cerveau. Laissez-lui le temps de se réveiller et de placer les choses. Et puis, la connerie totale, c'est parce qu'on a encore trop d'ego. On voit ce qui va être, puis on se dit, pourquoi c'est pas ça? Faut attendre. Encore un peu. Et puis, après ça, ça va bien. Comment savoir si nous avons une âme? Comment savoir si on a une âme? Ben, c'est pas compliqué, réellement. La question serait plutôt comment savoir si on n'a pas d'âme. Parce que si on commence à voir si nous avons une âme, on a tous une âme. Enfin, on a tous une âme. La majorité des humains ont tous une âme. C'est très simple savoir si vous avez une âme. Êtes-vous capable d'être compatissant, de souffrir pour autrui? Eh bien, vous êtes encore dans la phase d'involution des entités qui évoluent avec une âme. Est-ce que vous êtes capable d'être inquiet, d'espérer, d'avoir la foi? Alors, vous avez une âme. Êtes-vous mortel? Alors, vous avez une âme. Une grande partie de vous devront regagner le ciel, le monde où vont les morts, après la mort du corps physique, le monde de la mort. Alors, tous les individus, presque tous les individus de la planète ont une âme. Ceux qui n'ont pas d'âme, non, pas d'ego. Et cela fait partie soit du végétal, soit de l'homme nouveau. Dans l'un des cas, il n'y a pas de conscience. Dans l'autre, il y a la conscience. Bon, ben, OK, je vais parler plus vite. Qu'est-ce que l'égrégore, s'il vous plaît? Merci. Qu'est-ce que l'égrégore? L'égrégore, c'est une accumulation d'expériences mémorielles similaires, une banque de données totalement similaires qui se retrouve dans l'atmosphère de notre planète. Donc, dans le monde de la mort, parce que le ciel, c'est notre atmosphère planétaire. Un égrégore, c'est l'accumulation, donc, de répétitions mémorielles. Cela veut dire que si, ce soir, nous décidons de prier tous ensemble Dieu colonne, eh bien, après 10 ans, il y aura un égrégore avec un ego colonne, un Dieu colonne, et un égrégore qui contiendra suffisamment d'énergie que nous aurons mis par notre culte, notre rituel, notre amour pour le Dieu colonne. Et il y aura un égrégore qui pourra nous servir. Cela va faire qu'à un moment donné, c'est après 200-300 ans d'égrégorisation de cet égrégore, eh bien, un prêtre pourra arriver et dire à une personne, « Eh bien, tu es malade, je te guéris, au nom de colonne. » Et là, de l'égrégore colonne va descendre de l'énergie placée par l'humain dans le monde de la mort, un des trésors placés par l'homme dans le ciel, et il pourra descendre par un canal et aller guérir instantanément l'individu. Normalement, un égrégore n'a pas la puissance suffisante pour guérir plus que 10 ou 20 individus par siècle. Et c'est pourquoi certaines religions qui sont suffisamment grandioses, à un moment donné, font 2, 3, 4, 5, 6 miracles. Après ça, il n'y en a plus, ça ne marche plus. L'égrégore est trop épuisé. Et c'est très dangereux de faire des miracles. Ça énergise les fidèles à prier, mais ça dilue le monde de la mort, l'égrégore. Et bien souvent, les fidèles prient pendant un laps de temps, mais ils peuvent plus facilement s'en aller parce que l'égrégore est moins manipulateur, le Dieu a moins de puissance. Un égrégore, c'est ça, c'est un arbre planétaire. Y a-t-il du danger à développer ces chakras et pourquoi? Merci. Pourquoi il n'y a pas de danger? Bon. Il n'y a pas de danger à développer ces chakras, pourquoi? Parce que les chakras, les carrefours d'énergie, appelés, disons, bizarrement, centres d'énergie dans l'ancienne étymologie, ce sont des carrefours d'énergie qui ont la possibilité de voir le canal. Ce sont des canaux qui sont cutanés pour certains carrefours et sous-cutanés, enfin intra-corporels pour d'autres. Et ils ont la possibilité, lentement, de grossir et laissent passer plus d'énergie. Développer ces chakras, le problème qu'il y a lorsqu'on veut faire un travail, par exemple, style yogique, c'est quand même le yoga qui a amené la première forme de développement des chakras, pas nécessairement le Hatha Yoga, mais on parle du Raja Yoga et d'autres formes de yoga. La problématique qu'il y a, c'est qu'on risque de développer les symptômes d'une évolution sans nécessairement acquérir l'évolution qui va avec. Et c'est un gros problème au niveau du développement des carrefours d'énergie et de ce genre de choses. Autrement dit, lorsque l'on fait un travail au niveau des carrefours d'énergie, des chakras, on peut arriver à être télépathe, à être clairvoyant, à être supraconscient, à être ceci, à être cela. Si le corps physique, du point de vue génétique, n'est pas suffisamment solide, on peut en mourir, on peut devenir fou, on peut devenir malade. Et autre chose aussi, c'est qu'on aura des symptômes de l'évolution sans la conscience supramentale qui vient avec. L'évolution actuelle de l'humanité se fait de haut du haut vers le bas. La majorité des corps physiques ont leur évolution du bas vers le haut, l'évolution kundalinique, la montée de l'énergie tellurique planétaire à l'intérieur de deux canaux qui, justement, lors de leur montée, peuvent réchauffer des carrefours d'énergie. La majorité des êtres humains du Québec et de la partie nord planétaire, donc de notre planète, a suffisamment d'évolution génétique pour que ces chakras soient totalement suffisamment, disons, ouverts pour permettre maintenant de descendre de l'intelligence du haut vers le bas. Donc, habituellement, dans la majorité des cas, on n'a pas de travail à faire au niveau de l'évolution des carrefours d'énergie. Développer les symptômes de l'évolution n'amène pas l'évolution. Pendant longtemps, un bonhomme avait travaillé pour pouvoir apprendre à marcher sur l'eau. Et puis, après 83 ans de travail, il a réussi à marcher sur l'eau. Il traversait le fleuve Saint-Laurent, ici à la hauteur du port de Montréal. Et puis, à un moment donné, il vient me voir et il me dit, « Monsieur Kim, venez voir, je peux marcher sur l'eau. C'est génial, c'est de l'évolution, suis-je instantané? » Et bon. Alors, je vais voir, et puis il traverse le fleuve Saint-Laurent, puis il revient. Et puis là, je lui demande, pas mal bon, « Combien de temps tu as travaillé? » 83 ans. Là, il avait 93 ans. Donc, il a commencé vers l'âge de 10 ans. 83 ans. Quand c'est si facile de prendre une chaloupe? Alors, c'est ça qui est le problème. On développe les symptômes, puis on oublie tout ce qui devrait être important. L'évolution des carrefours d'énergie des chakras, elle est problématique en ce sens. C'est que bien souvent, l'être humain travaille sur une chose qui n'est pas essentielle. Si on se change, nous, si on devient conscient, si on se coupe des manipulations, si on a un ajusteur de pensée, si on accepte de supporter le peu de savoir qu'on a, contre toute la connaissance, la tradition qui nous a constitués, ben, veut pas, tout se fait. Il y a une forme d'évolution, la conscience. Tout le reste, ça suit. C'est secondaire et ça vient avec. Un individu, dans son schéma de conscience, arrive à faire de la lévitation. Alors, il peut marcher sur l'eau, sur l'air, sur des crocodiles. Il fait de la lévitation. Alors, il lévite les systèmes de transport conventionnels, puis marche dans l'air. Mais est-ce que l'individu qui marche dans l'air est nécessairement évolué? Pas nécessairement. Parce qu'un symptôme particulier d'une génétique particulière peut faire en sorte que l'énergie vitale puisse être exprimée en forme de lévitation ou de télékinésie, mouvement d'objet à distance. Mais un autre individu qui évolue fera la même chose. Alors, les deux font la même chose. Il y en a un qui est évolué, l'autre qui a des symptômes. Il n'est pas évolué nécessairement au niveau de la conscience. C'est pour ça qu'on doit développer plutôt sa conscience. C'est simple. Quand on perd un bras, ça ne dérange pas. On est évolué. Comment mieux vivre le moment présent? Bien, on ne pose pas de questions qui font entrer au passé, puis on se contente simplement de vivre le moment présent. Si l'énergie est le mouvement intrinsèque qui crée le déplacement de la matière, est-ce que le mouvement fut créé avant la matière ou en même temps? Ceci pour savoir si c'est le mouvement qui attire la matière ou le contraire. Bon, l'énergie n'est pas le mouvement qui crée le déplacement de la matière. La matière elle-même est énergie. Et la friction de la matière sur le temps engendre une forme d'exprimer que nous appelons énergie. Lorsque je parle, moi, d'énergie, on pourrait même séparer supra-énergie et énergie. Le contexte actuel, l'énergie engendre un déplacement, engendre une accélération du déplacement, mais jamais un déplacement. Le système énergétique actuel qui cohabite avec nous ne permet que d'engendrer des transformations de déplacement. On parle d'accélération négative ou positive, mais jamais un déplacement. On prend un objet, on le met dans l'espace, on donne une petite poussée. On arrête. Il va se déplacer ad vitam aeternam. Tant qu'il n'y aura pas de l'énergie pour transformer son déplacement, il se déplacera. L'énergie n'a rien à voir avec le déplacement. Par contre, si on l'attire avec un aimant, et là, on va transformer son déplacement, le ralentir ou l'accélérer. Le déplacement est libre, lui. Est-ce que le mouvement fut créé avant la matière ou en même temps? Tout a été créé en même temps. Le temps a été créé. Le temps, c'est une quantité de matière. La matière, c'est une quantité de temps. Les deux existent l'un par l'autre. Du point de vue extracosmique, ça n'existe pas. Du point de vue de la matière, le temps existe et la matière aussi. Et le déplacement est conditionnel du temps. On ne peut pas connaître un déplacement s'il n'y a pas de la matière et du temps. Donc, on connaîtra le déplacement ainsi que la vitesse du déplacement. Ceci pour savoir si c'est le mouvement qui attire la matière ou le contraire. Les deux sont intimement liés et le mouvement n'attire pas la matière. Le mouvement est simplement un déplacement dans le temps. C'est une perception faite par la matière. L'être humain perçoit par la matière un déplacement dans le temps. Et il appelle ça un mouvement matériel. Il appelle ça souvent un vieillissement aussi. Tout s'use dans cette perception. D'où vient la possibilité qu'a Alex Thanos de se dédoubler matériellement deux corps physiques palpables et pourquoi? Bon, ça, ça regarde Alex. Pourquoi l'univers est toujours en expansion puisque tout va se résorber? L'univers n'est pas en expansion, l'univers n'a jamais été en expansion. On parle de l'expansion évolutive de l'univers. En réalité, l'être humain est dans ce trou avec le filtre, confiné à observer l'univers de son point de vue. De son point de vue, il ne peut voir l'univers qu'à travers un canal qu'on appelle la lumière. À travers ce canal qu'on appelle la lumière, le canal lui-même est assujetti à la courbure de l'espace-temps. Et nécessairement, si deux galaxies restent proches l'une de l'autre, et que le canal qu'on se sert est assujetti à une courbure spatio-temporelle, et que le canal est courbé comme ça, eh bien, le temps que prend la lumière pour parvenir à nous donne une idée de la distance. Plus la courbure est accentuée, plus nous avons l'impression que les galaxies s'éloignent. En réalité, c'est une courbure spatio-temporelle et non pas un déplacement de galaxies. Même si on peut faire référence, par exemple, à une tendance vers le rouge de certains phénomènes lumineux, cela fait encore partie de la courbure de notre temps. Et il y a autre chose. Même si ça se courbe, nous avons... Ce n'est pas juste. Nous allons commencer la partie de régression de la création, donc la forme d'implosion, dans quelques temps. Et pour l'instant, l'expansion de ces courbures spatio-temporelles est à peu près finie. L'homme est la solution à la création. Est-ce une solution ou la solution? C'est la solution à la création, mais il y a des morceaux de cette solution qui traînent un peu ailleurs, mais le cœur de la solution, c'est l'homme. Pourquoi Lucifer peut donner un ordre à Satan et non l'inverse? Lucifer est un phénomène qui est tensionnel. Lucifer est un porteur de lumière, donc une consistance éthérique, qui a la faculté, qui a paramétré totalement la création du ciel, du monde de la mort, de l'âme, de l'ego et de l'homme, du point de vue évolutif. Et Satan est un phénomène créactivé par l'être humain, donc Satan est une création. Satan, c'est tout ce qui est rejeté par l'homme au niveau de son évolution. Satan, à part tendre l'atmosphère, ne peut rien faire d'autre qu'être assujetti à des forces supérieures à lui. Satan est totalement exécutable. Satan peut posséder l'humain. Quand Satan possède l'homme, ça en fait un animal. Quand Lucifer possède un homme, ça en fait un génie, comme Adolf Hitler, par exemple. Lorsque nous parlons de phénomènes sataniques, du moment qu'une conscience espritique, lumière, disons, peut sortir par la parole, par la bouche d'un homme, Satan est nécessairement exécutable. Lucifer étant un phénomène éthérique qui a eu un rôle particulier, on lui a donné le mauvais rôle du point de vue péjoratif, mais le rôle était essentiel, eh bien, Lucifer étant éthérique, devient immédiatement intentionnel par rapport à Satan. Satan ne peut pas donner d'ordre. Satan est un phénomène astral relié au monde de la mort, intimement associé à la condition de l'homme, donc Satan n'est pas dans le monde de la mort égrégorisé par nos religions, quoiqu'une partie de chaque égrégore a un contact avec des forces sataniques d'évolution. Cela permet la culpabilisation des fidèles, quelle que soit la religion. Ça porte d'autres noms que Satan dans d'autres religions, mais c'est la même chose. Et Satan est là pour... Satan, ça sert simplement à obliger l'humain à aimer la matière. Alors, Satan est un terrestrificateur, alors que Lucifer est un spiritualisateur. Lucifer, disons, traditionnellement, théologiquement, a voulu faire mieux que Dieu, puis a voulu sauver l'homme. Et il a fait un coup, il a manqué son coup, puis l'homme est devenu ce que l'homme est. Ça, c'est une belle histoire. Effectivement, Lucifer est la partie chez l'homme qui veut sacrer son camp. La partie qui va tendre au suicide, par exemple. Ou qui, comme Adolf Hitler, a voulu créer une race neuve, clairer toutes les autres, éliminer les mauvaises races de la surface de la planète pour les obliger à se réincarner dans une race aryenne qui serait merveilleuse. Faire en sorte que l'humanité évolue plus vite qu'à son degré. Possession luciférienne. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que Lucifer, chez l'homme, lui permet de penser à évoluer, de sacrer son camp, d'améliorer son sort. Mais étant donné que l'homme n'a pas le choix, l'homme n'est pas sur le plan planétaire, l'homme a un rôle, il n'est pas là pour être heureux, il est là pour accomplir une fonction, et il ne peut donc pas partir à toute vitesse comme ça en abandonnant tout. Et il y a là sa contrepartie planétaire, la partie satanique, qui, elle, oblige l'humain à aimer le sexe, à aimer manger, à aimer la matière, à aimer la luxure. Et ça va être aidé par une autre contrepartie inférieure qu'on appelle Ahriman, qui va aussi permettre à l'humain de rester terrestrifié. Cela fait en sorte que l'être humain est pogné entre deux feux, vouloir évoluer et avoir peur de la mort, avoir peur de ceci, avoir peur de cela. Alors donc, Satan est la partie plus densifiée. Lucifer lui ordonne donc. Est-ce que notre conscience reste toujours dans le même corps ou si elle prend d'autres corps? Non, la conscience, elle est dans un corps planétaire. Donc, elle est attribuée à un corps limité par le biais d'un canal qu'on appelle l'ajusteur de pensée. L'homme a-t-il besoin de se croire supérieur à la femme pour fonctionner normalement? Fonctionner normalement, ça dépend des normalités, ça dépend des sociétés, mais lorsque l'être humain sera capable de savoir ce qu'il est à partir de lui-même, Il sera drôlement mieux que de se comparer à des sexes ou à des ethnies. Si les professions prestigieuses comme la médecine, par exemple, sont envahies par les femmes, cela rendra-t-il les hommes allergiques à ces professions? Les hommes qui seront allergiques, eh bien, les femmes qui seront médecins pourront les soigner. L'être humain est-il assez conscient pour rejeter les principes dictés de l'ancienne société et les remplacer par des principes qu'il a calculés comme supérieurs? Pas pour l'instant, on parle de l'être humain, mais il y a quand même des êtres humains qui n'ont plus besoin des anciennes lois parce que de toute façon, ils les appliquent sans même les connaître. De plus en plus, la femme peut-elle elle-même pourvoir aux besoins de ses enfants? Ben oui. La femme, c'est un être humain. Pourquoi devra-t-elle continuer d'investir de l'énergie dans un mari? Les enfants auront besoin du père. Notre conscience peut-elle progresser sans qu'elle augmente la conscience de notre ignorance? Non.